Yeah. Like that. Hey, hey. On va changer les flots, on fait comme on veut, de toute façon. Ask me, man. Ah. Hey, let's go. Okay. Des crampes aux doigts, je fais que compter le cash. Ta mère me stream, moi c'est pour ça que je flex. Le truc est fait sous 31 jazz. C'est que dans ta cité, je suis très à l'aise. Rendez-vous pro si c'est bon, tu me bip. Bébé, ma cravate, c'est mon bling bling. Elle faisait la belle, mais je l'ai rendu. Elle faisait la belle, mais je l'ai rendu bête. Ils font les méchants, ils sont so sweet. La vibe, c'est moi, bébé, c'est sans le sweet. J'ai chanté l'amour dont tu sais que je l'ai. J'ai chanté l'amour dont tu sais que je les baisse. Qu'est-ce qu'il me raconte, il veut quoi la huisse. Je crois qu'elle sa baby qui est dans ma suite. Je me fais remarquer, je suis sur les champs. Je me frotte les mains pour s'en aller chant. J'ai vu, j'ai compris, je tomberai plus dedans. C'est une fois pas deux, je suis concentré. Baby veut vivre une vie dans le local. On se connaît à peine, faut dégager. Laisse ça, ouais, laisse ça. Rien pour toi, oublie-moi. J'ai rien à te donner, moi, non. Tu connais ces méchants. Y'a personne qui béton. Tu connais ces méchants. Y'a personne qui béton. Tu connais ces méchants. Y'a personne qui béton. Tu connais ces méchants. Y'a personne qui béton. Des crampes aux doigts, j'fais que compter le cash. Ta mère me stream, moi c'est pour ça j'flex. Le truc est fait sous 31 jazz. C'est que dans ta cité, j'suis très à l'aise. Rendez-vous pro si c'est bon, tu me bip. Bébé, ma cravate, c'est mon bling bling. Elle faisait la belle, mais j'l'ai rendu. Elle faisait la belle, mais j'l'ai rendu bête. Ils font les méchants, ils sont so sweet. La même, c'est moi, bébé, c'est sans le sweet. J'ai chanté l'amour dont tu sais que j'l'ai. J'ai chanté l'amour dont tu sais que j'l'ai baisse. Qu'est-ce qu'il me raconte, il veut quoi la huisse. J'crois qu'elle sa baby qui est dans ma suite. Je me fais remarquer, j'suis sur les champs. Je me frotte les mains pour s'en mal les champs. Bitch, chanter l'amour, c'est pour ça que j'l'ai baisse. J'ai chanté l'amour dont tu sais que j'l'ai baisse, baby. Let's go, let's go, let's go, let's go. J'ai le droit ou pas? Y'a personne qui béton. Tu connais ces méchants. Y'a personne qui béton. Tu connais ces méchants. Y'a personne qui béton. Tu connais ces méchants. Y'a personne qui béton.